franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. La menace est-elle réelle? En tout cas, Israël ne cesse de la brandir. Si l'Iran ne met pas un terme à la fabrication de son arme nucléaire, un bombardement des installations iraniennes sera inéluctable. Benjamin Netanyahou vient encore de le rappeler avec force lors de son dernier voyage aux États-Unis. Il a été aussi indirectement rappelé à l'ordre par le président Obama, qui a jugé bon de déclarer devant les délégués de l'EPAC, le puissant lobby américain qui soutient les intérêts de l'État hébreu, « on parle trop de guerre à la légère ». Qu'a voulu dire le locataire de la Maison-Blanche? Y aurait-il une part de bluff dans les menaces incessantes de Netanyahou? Une manière, par exemple, en parlant inlassablement de l'Iran, de ne pas évoquer la question palestinienne. Et d'abord, Israël dispose-t-il vraiment des moyens militaires pour annihiler durablement le processus nucléaire iranien? Beaucoup d'experts en doutent. D'autre part, si réellement l'Iran est en mesure de posséder l'arme atomique, ce que le régime des ayatollahs nie constamment, est-il imaginable qu'il attaque Israël au risque de connaître presque immédiatement une terrible réplique nucléaire israélienne et sans doute aussi états-unienne? Toutes ces questions qui se posent au monde d'aujourd'hui ont donné l'idée à M. X de se pencher sur l'évolution des relations entre l'Iran et Israël. Des rapports qui se sont apparemment dégradés ces dernières années, mais qui ont été longtemps tissé de multiples connivences, de quoi peut-être relativiser l'état actuel de la tension entre les deux pays. Une simple constatation de bon sens d'abord. Les Iraniens sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Et une grande partie de l'histoire de la Perse s'est faite, justement, contre un monde arabe voisin, mais hostile. Des voisins qui sont aussi, eux, sunnites. Alors que les Iraniens sont majoritairement chiites. Par conséquent, traditionnellement, l'arabe a été considéré en Perse comme l'ennemi. Mais il en va de même pour Israël, hein. C'est bien là où vous voulez en venir. Exactement. Ouais. Et c'est bien connu, les ennemis de mes ennemis peuvent devenir mes amis, ou à tout le moins les alliés objectifs. Et ce discret rapprochement commence très tôt, pratiquement dès la création de l'État d'Israël, après la Seconde Guerre mondiale. De quelle façon alors? En 1949, le Shah d'Iran envoie un émissaire à Tel Aviv. Pourquoi? La création d'un État pro-occidental et surtout non-arabe au Proche-Orient ne peut pas laisser Téhéran indifférent. Ne serait-ce que parce que ce nouveau venu va devenir l'objet de l'attention des États arabes de la région. Ouais, qui regarderont un peu moins du côté de Téhéran, c'est ça? Le Shah qui était un fin politique, voilà une perspective d'améliorer la sécurité de son pays, mais aussi la possibilité de renforcer son influence régionale. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Naturellement, le Shah ne peut pas reconnaître officiellement Israël. Oui, parce que ça signifierait une rupture totale de l'Iran avec le monde arabo-musulman. Bien sûr. Ouais. Mais même sans établir des relations diplomatiques, rien n'empêche d'envisager des relations économiques, par exemple, ou des coopérations ponctuelles. Cependant, paradoxalement, ce n'est pas le Shah qui va faire le premier pas, mais l'homme qui va provisoirement lui succéder. Oh, c'est Mossadegh, ça. Oui, en 1951. Le nouveau leader iranien, qui a donc renversé le Shah, reconnaît de facto l'existence de l'État d'Israël. Toutefois, il se garde bien d'assortir ce geste d'un acte juridique. Pas de relation diplomatique, donc. Mais l'affirmation que l'Iran ne chercherait jamais à concourir à la disparition d'Israël. Oui, mais Mossadegh va à son tour être renversé, hein. Par les Américains, en effet, oui. Et le Shah, alors, revenu au pouvoir, hein, grâce aux Américains, va-t-il faire un nouveau geste? En tout cas, il prête attention aux initiatives de l'homme fort de l'État hébreu, Ben-Gourion. Ce que ce dernier a appelé lui-même la doctrine de la périphérie. Expliquez-moi ça. Le premier ministre israélien fait un constat lucide de la situation de son pays. Israël ne peut pas espérer créer de dissensions entre tous les États arabes qui l'environnent. Des États qui, en outre, se sont pour la plupart rapprochés dangereusement de Moscou. Par conséquent, Israël doit essayer de sortir de son isolement et bâtir des alliances avec les États non-arabes de la périphérie. Ouais, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie. Ah oui, mais aussi l'Éthiopie. Dans l'esprit de Ben-Gourion, cette politique doit même aller jusqu'à nouer des rapports étroits avec des minorités vivant dans les pays arabes. Par exemple, les chrétiens libanais ou les Kurdes, irakiens ou syriens. Mais cette doctrine trouve-t-elle un écho favorable ? En Iran, certainement. D'autant que cela arrive dans les années 50, à un moment où les Iraniens ont eux-mêmes l'impression d'être victimes de l'hostilité des pays arabes de la région. Et d'accord, mais concrètement, comment ça se traduit ? Les échanges entre les deux pays se multiplient. On voit, par exemple, de nombreux étudiants iraniens, déjà formés dans leur pays, aller se perfectionner en Israël. Mais ça va beaucoup plus loin. Mais dans quel domaine, alors ? Le secteur énergétique, d'abord. Israël, vous le savez, est dépourvu de pétrole ou de gaz. Et l'Iran en regorge. Par conséquent, les deux pays vont conclure des accords commerciaux après la crise de Suez de 1956. Mais, encore une fois, cette négociation a dû se faire dans la plus grande discrétion. Elle a pourtant débouché sur une réalisation d'importance. La construction ultra-rapide d'un oléoduc entre Eilat, dans le golfe d'Aqaba, et le nord du désert du Negev. Une construction qui a été d'ailleurs en partie financée par l'Iran. C'est un engagement fort, donc. Et habile. Car les tankers déchargent leur pétrole sans avoir besoin d'emprunter le canal de Suez. Ouais, donc sans encourir les foudres de l'Égypte. Et bientôt, les deux pays vont franchir un nouveau pas. En 1958, pour la première fois, un contact direct a lieu entre le premier ministre israélien et le Shah d'Iran. Il s'ensuit que l'oléoduc est rallongé vers le nord d'Israël. Oui, mais de tels accords commerciaux ne peuvent pas rester longtemps inconnus des pays arabes. Bien évidemment. C'est très vite un secret de polichinelle. Et ça se traduira en 1960 par une rupture des relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Iran. Ouais. Et la pression des pays arabes augmente. Et il faudra que les États-Unis s'en mêlent pour que le Shah ne renie pas les accords qu'il a passés avec les dirigeants israéliens. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la coopération secrète entre l'Iran et Israël va bien au-delà de ces livraisons de pétrole. Les deux pays vont s'associer pour effectuer des recherches militaires. Ils vont par exemple concevoir ensemble un avion de combat et des modèles de missiles. Et tout ça alors qu'aucune reconnaissance officielle n'est intervenue. C'est ça. On navigue en totale hypocrisie. Songez aussi que les services spéciaux israéliens vont entraîner et former leurs homologues de la redoutable police secrète iranienne, la SAVAK. Et du début des années 60 jusque dans le milieu des années 70, on va les retrouver ensemble sur le terrain lorsqu'il s'agit d'aider les Kurdes en rébellion contre le gouvernement irakien. Ouais. Le Mossad et la SAVAK travaillent donc main dans la main. Oui, c'est la vérité. Et selon certaines sources, les Israéliens ont aussi instruit leurs collègues iraniens en matière de méthode d'interrogatoire. Ouais, dans ce domaine-là, la SAVAK fera preuve d'une terrible efficacité. Hein. Cependant, c'est assez extraordinaire, cette collaboration très poussée demeure clandestine. Les agents ou les diplomates iraniens qui se rendent en Israël prennent la précaution de passer par la Turquie ou la Suisse. Et à leur arrivée en Palestine, leurs passeports ne sont jamais visés par les services douaniers. Ouais, pas de traces. Même le ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu est laissé dans l'ignorance de ces contacts secrets. Mais bien sûr, du côté israélien, on ne dissimule pas un certain agacement. Ouais, parce que ça ne débouche pas sur une reconnaissance réciproque des deux États. Évidemment. Ouais. Et c'est le Shah qui s'y refuse. Oui, malgré les pressions qu'exercent sur lui les Occidentaux. Ouais, alors, il s'agit donc, entre les deux pays, d'une alliance boiteuse. Hein. Oui, d'autant qu'au fil du temps, l'Iran s'est modernisé et s'impose comme une puissance régionale. Le pays est donc moins exposé à la menace arabe. Oui, mais il n'en est pas de même en Israël. Israël qui a donc beaucoup plus besoin de l'Iran que celui-ci n'a besoin d'Israël. Un déséquilibre qui ne pourra qu'augmenter. L'alliance perfide, tel est le titre du livre qu'un universitaire américain d'origine iranienne, Trita Parksi, a consacré aux relations entre Téhéran et l'État hébreu dans le monde diplomatique. Alastair Crook en rencontre ainsi. Trita Parksi examine les aspects concrets de la coopération d'Israël avec le régime du Shah en particulier l'aide militaire apportée aux insurgés kurdes d'Irak entre 1970 et 1975 dans le but d'affaiblir ce pays. Israël et l'Iran partageaient un sentiment de supériorité culturelle vis-à-vis des nations arabes, même si cette connivence avait ses limites. Le Shah, souverain d'un pays musulman, insistait pour que ces relations restent discrètes, suscitant l'agacement de Tel Aviv. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces affinités perdurèrent après la révolution iranienne, incitant même des responsables israéliens de droite, notamment le premier ministre Menachem Begin, à tendre la main aux nouveaux dirigeants de Téhéran. Le pragmatisme de l'ayatollah Khomeini en politique étrangère justifiait leur position. Agressés par des Arabes hostiles, la guerre avec l'Irak avait commencé en septembre 80, les Iraniens ne comprenaient que trop bien la nécessité d'une relation amicale avec Israël et les avantages technologiques qu'ils pouvaient en attendre, notamment en matière d'armement. Le grand infléchissement dans la nature des rapports entre l'Iran et Israël se produit à l'occasion de la guerre du Kippour. Oui, donc en 1973. Oui, car le Shah d'Iran va devoir jouer un rôle très délicat. D'une part, il ne peut pas se désolidariser des pays arabes en guerre contre Israël, mais en même temps, il répugne à rompre son alliance objective, mais clandestine, avec l'État hébreu. Alors, voyons ça concrètement. Dès les premiers jours du conflit, le président Sadat appelle le Shah pour le presser de fournir du pétrole à l'Égypte. Mmh, il accepte ? Effectivement. Mmh. Pour l'Iran, il y a là une occasion unique de se rapprocher des États arabes. Et donc, de démontrer que son rôle est essentiel dans la région. Par conséquent, le Shah adresse plusieurs signaux positifs à ses voisins. Il prête, par exemple, des avions et des pilotes à l'Arabie saoudite. Il aide même au transport d'un bataillon saoudien sur le Golan syrien et accueille à Téhéran des blessés arabes. Mmh. Ce qui doit susciter l'inquiétude d'Israël. Ah, bien entendu, mais habilement, le Shah se garde bien de rompre avec l'État hébreu. Il continue ainsi à l'approvisionner en pétrole. Et surtout, il refuse de se joindre à l'embargo sur le pétrole contre Israël, décidé par les pays arabes. Mieux, et toujours dans le plus grand secret, l'Iran fournit à Tsahal des armes lourdes. Ouais, toujours le double jeu. Mais un jeu très subtil qui lui permet aussi de s'entremettre entre les belligérants. Détail intéressant, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Après la guerre, l'Iran se joint à l'Égypte pour déposer une résolution à l'ONU appelant à la dénucléarisation de la région. Ouais. Et ça, c'est dirigé contre Israël, qui est le seul État du Proche et du Moyen-Orient à posséder la bombe atomique. Hein. Mais qui se refusera toujours à le reconnaître, comme vous le savez. Ouais. Pour autant, est-ce que ça veut dire que l'Iran là, est en train de se rapprocher de l'Égypte ? C'est certain. Et c'est favorisé par le fait que Sadat a choisi de rompre avec l'URSS. Ouais, et se ranger clairement dans le camp occidental. Hein. Autre initiative importante de Téhéran, la réconciliation avec le voisin irakien en 1975. Ouais, encore un geste qui doit inquiéter Israël. Ça. Et qui a une conséquence directe sur la vieille coopération entre la SAVAK et le Mossad. D'un seul coup, l'Iran met fin à l'aide qu'il apportait aux Kurdes irakiens. Ouais, avec la collaboration des services israéliens, il faut le rappeler. Ouais. Et pendant au moins 2 ans, les rapports entre l'Iran et Israël ne vont cesser de s'aigrir. En cette même année, 1975, Téhéran vote à l'ONU en faveur d'une résolution qui assimile sionisme et racisme. Et l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin en 1977 ne concourt pas à rapprocher les deux pays. En effet, le Shah considère que le nouveau premier ministre israélien est un dangereux jusqu'au boutiste. Ouais. Et un ancien terroriste, il faut le rappeler. C'est pourtant Begin, l'ancien terroriste, qui va faire la paix avec Sadat. Et l'Iran sera obligé d'approuver. Ouais. Est-ce que cette détérioration des rapports Iran-Israël met fin à la collaboration économique entre les deux pays ? Eh bien non. Aussi étonnant que cela paraisse. Toujours en 1977, les deux pays signent même un accord secret afin de construire un nouveau type de missile. Et comment vous pouvez expliquer alors cette contradiction ? Oh, c'est très simple. L'Iran et l'Irak ont signé des accords de paix, je vous l'ai dit. Mais c'est une paix armée. Saddam Hussein, qui est arrivé au pouvoir, en profite pour renforcer son arsenal offensif. Et c'est une menace dirigée à la fois contre l'Iran et Israël. Ouais, donc, encore une fois, les deux pays ont des raisons objectives de s'entraider. Ce qui n'empêche les malentendus de se poursuivre. Car pour le Shah, il n'est toujours pas question de faire un pas supplémentaire vers Israël. Officiellement, en tout cas. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, les dirigeants israéliens ont essayé de faire chanter le chat en menaçant de rendre public les accords liant les deux pays. Mais l'Iranien n'a pas cédé. Ouais. La destitution du chat et la prise du pouvoir par Khomeini vont complètement bouleverser les choses. Hein. Ah, forcément, et ça ne tarde pas. 3 semaines seulement après l'arrivée des ayatollahs, l'Iran coupe toute relation avec Israël. Et symboliquement, le bâtiment de la mission israélienne à Téhéran sera occupé par l'OLP de Yasser Arafat. Arafat qui, enfin, si je m'en souviens, a très vite fait le voyage de Téhéran. Hein. Oui, mais enfin, il est reçu de façon assez désinvolte par les nouveaux maîtres du pays. C'est un point très important, encore aujourd'hui. Au fond, il faut bien comprendre que malgré leur déclaration incendiaire sur Israël, les Iraniens ne se sentent guère concernés par le conflit israélo-palestinien. Et pourtant, ils ne cessent d'en parler et de vouer Israël aux hégémonies. Oui, mais enfin, ça, c'est une posture, une façon de montrer leur solidarité avec un monde musulman dont ils voudraient bien assurer le leadership. Et en brandissant l'argument islamique. C'est ça, oui. Mmh. Donc, vous considérez que la condition des Palestiniens n'est pas une priorité pour l'Iran actuel? Ah, comme il ne l'était pas pour Khamenei. Mmh. Alors, si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, hein. Ahmadinejad, lorsqu'il menace de détruire Israël, raconte n'importe quoi. Je le crois, oui. Et aujourd'hui, les dirigeants iraniens sont bien plus intéressés par renforcer leur mainmise sur l'Irak ou par les événements de Syrie que par la lointaine Palestine. Enfin, revenons à l'évolution des rapports entre Israël et l'Iran. Ouais. Avec Khomeini, c'est donc la rupture. Hein. Et des imprécations permanentes contre le sionisme. Mais Téhéran ne s'oppose pas au départ des juifs iraniens vers Israël. Et notez-le bien, l'ayatollah en chef se garde bien d'impliquer directement son pays dans le conflit israélo-palestinien. Ouais, mais l'Iran agit indirectement hein, via sa créature, le Hezbollah libanais. C'est juste, ouais, c'est juste. Ouais. Enfin, en même temps, comme au temps du Shah, les Iraniens entretiennent des liens discrets avec les Israéliens, surtout lorsque les intérêts des deux pays convergent. En 1981, par exemple, avant de lancer l'opération Babylone, des émissaires israéliens ont pris langue avec des officiels iraniens. L'opération Babylone, c'est la destruction du site nucléaire irakien aux Irak. Hein. Oui, oui. Ouais. Eh bien, l'Iran a donné à Israël de précieuses informations sur le réacteur et les installations irakiennes. Mieux, Téhéran a autorisé les bombardiers israéliens à pénétrer son espace aérien en cas d'urgence. Oui. Mais Israël et l'Iran avaient alors un ennemi commun, hein, l'Irak. C'est exact. Cependant, la plus belle preuve de la continuité des rapports entre les deux pays, en dépit des diatribes et des menaces, est l'existence de ce que l'on a appelé l'Iran Gate. Ouais, c'est-à-dire la fourniture d'armes américaines à l'Iran via Israël. Pendant la guerre, Téhéran-Bagdad. Et on sait aujourd'hui que ce sont les Israéliens qui sont à l'origine de cette combine. Oui, parce que lors de ce conflit entre l'Iran et l'Irak, ils avaient choisi leur camp. Et qu'il ne leur déplaisait pas de voir ces deux grands pays musulmans s'épuiser dans cette guerre interminable. Ce qu'il faut remarquer, c'est que si l'Iran Gate a été un scandale aux États-Unis, qui a même sérieusement ébranlé la Maison-Blanche. Hein, et il n'en a rien été en Israël, où personne ne s'est ému de découvrir qu'Israël participait à l'effort militaire de Téhéran. Ouais. Et comment a réagi alors l'opinion publique iranienne lorsque l'affaire de l'Iran Gate a été connue? Elle a assez mal réagi, puisque les autorités iraniennes multipliaient les insultes contre l'État hébreu. Des députés ont même exigé un rapport sur ces ventes d'armes. Mais l'ayatollah Khomeini y est intervenu en personne et il n'y a plus été question d'enquête, ni même de rapport. Mmh. Bah, ça signifie qu'en Iran, le pragmatisme l'emporte sur l'idéologie. Oui, ça je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Mais je vais vite. La situation va progressivement changer au cours des années 90. Et d'abord parce que, après la première guerre du Golfe, Israël et l'Iran vont être débarrassés de la menace que faisait peser sur eux Saddam Hussein. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Bref retour sur la fixation anti-israélienne du régime de Téhéran après l'arrivée des ayatollahs. Dans la revue Confluence Méditerranée, Bernard Ourcade livre en janvier 2011 une très intéressante analyse extrait. En faisant d'Israël un ennemi fortement identifié, même s'il reste symbolique et lointain, la République islamique a bouleversé cette ancienne politique équilibrée en donnant une sorte de priorité à la dimension islamiste de sa politique. Mais les intérêts nationaux ou stratégiques de l'État iranien n'en conservent pas moins un rôle permettant de nuancer des analyses qui réduisent la politique iranienne à sa seule dimension islamique et donc anti-israélienne. Pour la nouvelle République islamique iranienne et chiite, Israël et la question palestinienne ont d'abord été un passeport pour entrer dans un monde musulman dominé par les sunnites et les arabes. En prétendant régler une question aussi grave que symbolique que le monde arabo-sunnite n'avait pu régler en 40 ans, l'Iran chiite voulait s'imposer comme un acteur désormais central dans le monde musulman. Mais ce qui va radicaliser les rapports entre les deux pays, c'est la bombe iranienne. Oui, le projet nucléaire de Téhéran. Et à ce propos, il faut d'abord parler de ce que l'on a appelé la doctrine Begin. L'ancien Premier ministre conservateur a affirmé que jamais Israël n'accepterait que l'un de ses voisins devienne une puissance nucléaire. Ouais, d'où la destruction du réacteur irakien aux Irak. Hein. Qui avait été précédé en 1979 par des sabotages de matériel destiné à ce réacteur sur le sol français. Et je vous rappelle, car nous en avons parlé ensemble, qu'en 2007, l'aviation israélienne opérera de la même façon en bombardant des installations nucléaires syriennes. Ouais, et curieusement, sans même susciter de protestations de Damas. Hein. Parce que cette ébauche de réacteur était illégale aux yeux des gendarmes internationaux du nucléaire. Mais enfin, passons. La bombe iranienne, on commence à en parler au début des années 90. Mais qui ? Les Israéliens. Ce n'est pas tout à fait innocent. Le Premier ministre Rabin essaie alors de convaincre son opinion qu'il faut faire la paix avec les Palestiniens. Et il exagère à dessein les menaces extérieures sur Israël. Toutefois, c'est véritablement dans les années 2000 que la bombe iranienne devient un sujet permanent d'actualité. Ouais. Et si je me souviens bien, ce sont des opposants iraniens qui les premiers affirment que Téhéran se livre à des opérations d'enrichissement d'uranium. C'est exact. En 2002. Et dès cette année, on entend des généraux israéliens qui préconisent une attaque préalable des sites iraniens. Ouais, frappés avant que la bombe ne devienne une réalité. Ouais. C'est ça, et ça continue aujourd'hui. En même temps, on va assister à un jeu du chat et de la souris entre les autorités iraniennes et les instances internationales chargées de contrôler le nucléaire. Ouais. Le Téhéran ne cesse de souffler le chaud et le froid. Ouais, tout en multipliant les déclarations incendiaires contre Israël. Ouais, surtout depuis l'élection à la présidence iranienne de Mahmoud Ahmadinejad. Hein. Oui, qui se veut inflexible sur la question du nucléaire. Ouais, pas question de céder aux injonctions internationales. Il y a là une dimension qu'il ne faut pas méconnaître. L'Iran est fier de ses prouesses technologiques en matière nucléaire et n'est pas mécontent de le montrer à ses voisins arabes. Ouais, de la vantardise, au fond. Bah, et pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas quand l'Iran possédera la bombe. Hein. Vous avez raison. Et les experts, non sans arrière-pensée, ne cessent de se contredire. Aujourd'hui, on ne peut pas même affirmer avec certitude que Téhéran est en train de fabriquer une bombe. Ouais, mais l'Iran fait tout pour être en mesure de le faire le cas échéant. Alors pour Israël, se pose la question, que faire ? Pour simplifier, disons qu'il existe là-bas deux écoles. Certains sont persuadés que les dirigeants iraniens, mués par une haine viscérale et religieuse de l'État hébreu, tenteront un jour ou l'autre de le détruire. Ouais, dès qu'ils posséderont la bombe et les vecteurs pour la transporter. En conséquence, il faut prendre les devants et lancer des attaques aériennes préalables sur les installations iraniennes. Sans être pour autant certain de les atteindre. Hein. Car certains de ces sites nucléaires sont enfouis très profondément et sont peut-être à l'abri des bombes les plus puissantes. C'est pourquoi les tenants d'une deuxième école affirment que les dirigeants iraniens, malgré leur gesticulation, ne prendront jamais le risque de subir une contre-attaque nucléaire dévastatrice. Ouais. Donc ceux-là ne croient pas à la menace iranienne. En tout cas, ils ne l'exagèrent pas. Et parmi eux se trouvent des stratèges qui préfèrent conduire une guerre secrète contre le nucléaire iranien. En éliminant des savants. Par exemple, plusieurs scientifiques iraniens ont été récemment victimes d'attentats ciblés. Et n'oublions pas aussi les tentatives informatiques de saboter les recherches atomiques iraniennes. Ouais, le fameux virus là, qui a paralysé pendant un temps les centrifugeuses. Hein. Et même la première centrale atomique iranienne avant même qu'elle commence à produire de l'électricité. En outre, ces adeptes de la deuxième école ne se font pas faute de mettre en évidence les risques effroyables que représenterait une attaque aérienne. Ouais, l'embrasement de la région, quoi. Et évidemment, les Américains ne sont pas les derniers à souligner ces dangers et à prêcher la patience à leurs alliés et protégés israéliens. Ouais. Par conséquent, pour vous, dans cette affaire, il faut faire la part de la propagande. Car si on laisse de côté les discours bellicistes des uns et des autres, il faut aussi observer que les liens entre Israël et l'Iran ne sont pas tous rompus. De quoi voulez-vous parler, là ? De business, par exemple. Il existe toujours des échanges commerciaux entre Israël et l'Iran. Par exemple ? Dans les secteurs qui ne sont pas soumis aux sanctions et par le biais d'intermédiaires, des exportateurs israéliens livrent à l'Iran des circuits intégrés d'irrigation, des hormones animales, des semences et des engrais. Et les Israéliens achètent à Téhéran des quantités de pistaches, de noix de cajou et de marbre iranien. Les affaires sont les affaires. Et les journaux israéliens ne se sont pas privés de donner des détails. Ainsi, au début des années 2000, un directeur adjoint du ministère de l'Agriculture iranien serait secrètement venu en Israël pour étudier les systèmes d'irrigation israéliens. Et des spécialistes d'une société israélienne qui, il y a 30 ans, avait installé le réseau d'égouts de Téhéran, s'y seraient rendus en novembre 2000 à la requête de la mairie pour procéder à des réparations. Oui, mais c'était il y a 10 ans. Bon, plus près de nous, en mai 2011, alors que Netanyahou venait de prononcer un discours très dur et très anti-iranien devant le Congrès états-unien, les Américains ont révélé qu'un puissant conglomérat israélien aurait livré un tanker pétrolier d'une valeur de presque 10 millions de dollars à une compagnie iranienne. Mais pas directement quand même. Bien sûr que non. Un armateur enregistré à Monaco a servi d'intermédiaire, mais ça ne change rien à l'affaire. D'autant que cette compagnie iranienne, qui a acheté le tanker, est placée sur les listes américaines et européennes des sociétés qui soutiennent les activités de prolifération nucléaire du régime de Téhéran. Ah, ça, c'est embarrassant. Et ce n'est pas tout. Fin décembre 2011, une autre affaire a fait scandale en Israël. On a appris qu'une société informatique israélienne vendait à Téhéran des logiciels de surveillance de l'Internet et des systèmes de géolocalisation par l'intermédiaire d'une entreprise danoise qui les réexpédiait en Iran. Et ça durait depuis 2006. C'est d'autant plus gênant que ces matériels sophistiqués ont certainement été utilisés lors de la répression du mouvement vert pour la démocratie en 2009. Ouais. Est-ce que ce fabricant israélien aurait pu être abusé ? Ses dirigeants ont affirmé ne pas être au courant du détournement par la compagnie danoise. Mais les salariés, eux, n'ont pas confirmé. Alors, conclusion ? Il faut croire que malgré les derniers soubresauts, il reste quelque chose de l'alliance objective conclue entre le Shah et Ben Gurion. Un dernier mot qui confirme en partie le dernier propos de Monsieur X. Patrick Anidjar, ancien correspondant de l'AFP à Jérusalem, écrit ceci en 2008 dans son ouvrage « La bombe iranienne ». Ce n'est pas le fait du hasard si depuis 1979, personne en Israël n'a pensé intégrer l'Iran dans la liste des États classifiés « hostiles ». Cet inventaire, établi par le Bureau israélien de la lutte antiterroriste et le ministère des Affaires étrangères, puis entériné par la Knesset pour avoir force de loi, permet aux autorités d'engager des poursuites pénales contre un ressortissant israélien se rendant par exemple en Syrie, au Liban, en Libye ou dans d'autres pays avec lesquels Israël est en état de belligérance. Curieusement, à ce jour, l'Iran ne figure pas sur cette liste. À lire La bombe des Mollahs de Paul Forêt aux éditions du Rocher, un bon polar autour de la bombe qui se passe à Istanbul, la ville de tous les espions. Puis aussi La géopolitique de l'Iran de Bernard Ourcade, paru en 2010. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez, avec un peu de chance, réécouter cette émission. Rebecca de Nantes l'a préparée. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisée et à Monsieur Jude pour ses petites notes de musique. Et tout de suite, après les infos, CO2, mon amour, de Denis Chesson.